pour des remorques fiables, robustes et de très grande qualité. C'est chez Remorque 2000 qu'il faut aller. Nous fabriquons des remorques en aluminium dont la structure est garantie 5 ans. Pour plus de détails, visitez notre site web au remorque2000.com. Remorque 2000, au 643 Dequin, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-9383. Toute notre équipe invite la population à acheter localement pour soutenir notre économie. On va parler de la Ligue nord-américaine avec Monsieur Ligue nord-américaine de hockey, Gilles Péloquin. Il y a eu du mouvement de personnel chez les Marquis, transaction avec Saint-Georges-de-Beauce hier. Il y a un joueur qui m'intrigue, c'est Philippe Paradis. On en parle avec Gilles Péloquin. Salut Gilles. Bonjour. Gilles, d'abord, oui, il y a eu une transaction chez les Marquis de Jonquière hier avec le coach de Saint-Georges-de-Beauce. C'est Philippe Paradis. Moi, c'est le joueur qui m'intrigue parce qu'il vient d'ici. Il vient de notre secteur. Et bon, les Marquis avaient repêché l'année passée, puis finalement, moi, ce que j'avais su, c'est que Philippe, ça, il tentait vraiment pas de jouer dans la Ligue nord-américaine. Penses-tu qu'il y a une place avec lui en Beauce? Est-ce que tu sais que à travers les branches, ce que tu as su, si Philippe pourrait s'apporter au coup de Saint-Georges-de-Beauce? Denis Dumont, qui est maintenant en poste comme directeur général, est un gars que je qualifierais de « long shot ». Okay. C'est un gars qui prend des risques calculés. Il l'a fait dans le temps avec Sherbrooke, avec Windsor, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup. Et je sais que l'an dernier, avec Sorel, il était le conseiller spécial à Christian Deschênes. Et 90%, faut lui donner à Denis Dumont, ça lui rapporte. Donc, je pense qu'il s'est dit, ce gars-là peut m'aider dans un avenir rapproché, peut-être après les fêtes. Je prends le risque, il ne me coûte pas cher, voilà, d'aller le chercher. Et je sais aussi qu'après avoir étude avec nos amis des Marquis, qu'ils n'ont pas de place pour lui. Voilà, non, qu'ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas de place pour lui. Et lui, pour l'instant, a peut-être la tête ailleurs. Ouais. Donc, d'aller jouer dans un marché un peu moins connu qu'un marché qui est près de chez toi ou tu auras le focus fixé sur toi et tu ne dois pas commettre d'erreur. Des fois, vaut mieux aller ailleurs pour revenir à la base par la suite. Effectivement, donc on va suivre prochainement. Nicolas Larocque-Marcoux, c'est ce joueur-là pour les Marquis, par les Marquis, c'est quoi? C'est-tu un joueur qui va jouer avec les Marquis? C'est-tu c'est une transaction profondeur qu'on appelle? C'est quoi en fait? Ben, c'est un joueur qui connaît la Ligue. C'est un joueur qui a eu son utilité avec le Cool FM, qui n'a plus non plus sa place à cet endroit, comme moi, ils m'ont surpris la semaine dernière quand ils ont laissé aller au balotage Martin Nollet, qui est un bon défenseur pour moi d'expérience, même s'il avait quelque peu ralenti, disons un sixième. Mais il n'y avait plus de place pour lui à Saint-Georges. Maintenant, il peut se retrouver ailleurs et avoir encore la chance de jouer. Et il peut apporter des services à une équipe qui en aurait besoin. Donc, à ce temps-ci de l'année, il y a de ces transactions où les DG, Danny, étudient leur équipe en se disant « J'ai encore de la place, exemple, en défense ou en offensive, ou je me cherche un gardien de but. » Exemple, après les deux matchs ratés de Marco Cousineau débarqué après chacune des périodes avant la fin du match, il n'était pas là en troisième les deux fois à Sorel dans la défaite de 6-1 et dans la victoire de 7-5, acquis par l'auxiliaire. Ben, on s'est dit, faut faire une transaction, on n'a pas de troisième gardien qui peut et qui connaît la Ligue. Sorel en avait 6, pas un, pas deux, 6. Okay. Et on est allé chercher Alex Bitsakis en début de semaine. Moi, j'appelle ça police d'assurance. Okay. Et qui sait si bientôt Cousineau a encore des problèmes avec un match comme départ, comme partant, ben on verra peut-être arriver Bitsakis, parce que lui, Bitsakis était à Laval, c'était un bon gardien derrière Adam Russo. Quand on en avait besoin l'an dernier, ben il a répondu et gagné les matchs dont on en avait besoin. OK. Patrick Bernier, c'est un joueur, que c'est un nom qui m'est pas inconnu, ça n'a pas été repêché par une équipe de la Ligue nationale, ça. Lui, ça va à tête feu. Oui, si mémoire ne me fait pas défaut, Bernier est peut-être celui qui a de la parenté avec le dénommé Jonathan Bernier. Okay. C'est un gardien de but. Okay. C'est aussi un gars qui a eu beaucoup de succès à l'époque, à ses débuts, avec Sherbrooke, qui est allé en Beauce, qui a joué avec le Wild de Windsor, a traîné un petit peu son baluchon Peut-être ralenti, mais a l'expérience de la Ligue et peut rendre de bons services. Et c'est un gars aussi axé sur l'offensive, mais avec un bon caractère défensif qui peut apporter lors des avantages numériques et être utilisé un peu à toutes les sauces. C'est un bon vétéran. Moi, je l'aime. Et je suis bien surpris qu'il y ait eu transaction, mais content en même temps qu'il ait encore sa place dans la Ligue nord-américaine. Okay. Donc, aussi, les joueurs de la semaine, Étienne Brodeur, c'est un ancien des Saguenay, ça, si je me rappelle bien, 4 buts, une passe, 5 points. Ça joue pour les Saguenay. Il va très bien. Il a commencé l'année comme il l'avait terminé dans les séries éliminatoires. Je te parle du match à Trois-Rivières vendredi dernier qu'on a fait à la télé-web. Ça a-tu bien été, ça? Ça a-tu bien été? Ça a très bien été. Moi, j'ai aucun problème en description. Placé dans la foule, presque derrière le banc, à la hauteur de la ligne 2. Pour une fois qu'on n'était pas derrière, parce que c'est le seul amphithéâtre, toutes ligues confondues au Québec, où malheureusement, et je dis bien malheureusement, on travaille derrière les buts encore dans la Ligue nord-américaine au Colisée de Trois-Rivières. Et on se dit, non, on ne veut pas placer les journalistes entre les deux lignes bleues. Il y aura un nouveau Colisée dans 2 ans. Il y a des élections en novembre. On verra bien ce que ça donne. Et j'espère qu'on va le construire, le Moses de nouveau Colisée, pour favoriser les gens. Et là, on a eu un estrade de fortune dans la foule. C'était magique pour décrire parce que l'ambiance n'est pas pareille. De cacher dans un châssis derrière les buts à 50 pieds avec un filet qui te protège devant. Et tu vois, Danny, arriver les joueurs à 200 pieds devant toi. Donc, ça a été un bon match. C'était un bon match pour les deux équipes. Mais ce que je dis de ça, c'est que moi... je pense de plus en plus que si Saint-Georges avait pu tenir le coup 10 minutes en troisième, Rivière-du-Loup n'aurait pas gagné le deuxième match entre eux en fin de semaine dernière. Et on aurait eu cette semaine, avant les prochains matchs du week-end, les 6 équipes avec une victoire, une défaite. Il y a parité dans cette ligue cette année. Ben oui. Hey, Loïc Lacasse, deuxième, ça c'est l'ancien du Canadien, ça c'est l'ancien joueur du Canadien, c'est qui a été repêché. Il n'a pas joué pour les Canadiens, mais il a été repêché, c'est ça? Je pense, mais regarde, là, je veux pas m'aventurer sur un terrain. OK, joueur de la deuxième à deux. Je sais que c'est Cédric Desjardins qui a plutôt été avec l'organisation du Canadien, mais peut-être, là, je pense... Lacasse aussi. C'est un excellent gardien de but. Lacasse a été acquis de Saguenay l'an dernier pour aider Rivière-du-Loup à gagner. C'est un gardien de saison. Il a prouvé des choses en série éliminatoire. Ça peut être cette année, mais déjà, c'est la surprise de la semaine. Rivière-du-Loup, 2-2. Ça, pas grand monde l'aurait prédit. Et battre les deux fois Adam Rousseau, qui est maintenant avec Saint-Georges, l'ancien de Laval, qui est considéré comme le gardien numéro 1 de la Ligue. Commence à regarder un peu partout, là. Karel Saint-Laurent avec Sorel Tracy. Un dénommé Girard avec Tedford. Il y a des gardiens, c'est avec Desjardins au Saguenay. Cousineau à Trois-Rivières. Ça va passer par les gardiens de but cette année dans cette ligue. Ça va être des matchs, en principe, assez tissés serrés. Ça a été le cas dans 4 des 6 matchs. Et j'ai hâte de voir la suite. Mais oui, pour Étienne Brodeur, c'était bien mérité comme étoile offensive. Lacasse comme étoile défensive. Et le troisième, ben, c'est le nouveau venu à Saint-Georges. Et ça va être toute une acquisition. Et si ce gars-là est en santé, n'a pas de blessure, c'est 35-40 buts assurés cette année. OK. Saint-Georges-de-Beauce, là, moi je suis ça de très loin, la Ligue nord-américaine, ce que j'entends, là, c'est-tu encore la concession? Moi, ce que je savais, c'est que c'était la grosse concession, c'était la concession la plus précieuse de la Ligue nord-américaine. C'est-tu encore ça? Ben, je ne peux pas dire. La plus vieille en titre mérite d'avoir, je pense, ses lettres de noblesse, c'est Tedford. Parce que Tedford est là depuis les tout débuts, en 96, semi-pro de la Ligue nord-américaine, 22 ans. Sorel Tracy a manqué 2 ans. Sorel Tracy est là depuis 20 ans. Puis, par la suite, tu as Saint-Georges qui arrive en troisième place. Saint-Georges a eu de belles années, il y a une dizaine d'années, où les samedis soirs, il y avait jusqu'à 2000 personnes et dans un rayonnement d'à peu près 3 kilomètres de l'aréna, le centre La Croix-du-Til, tu pouvais pas avoir de restaurant pour aller souper si tu n'avais pas de réservation. C'est plus le cas aujourd'hui. Faut se dire les vraies choses, là, avec les matchs qui ont lieu en fin de semaine, il y a eu pour moi 2 déceptions. Tedford, 981 spectateurs. Jonquière, 1100 spectateurs. C'est en bas des moyennes. Sorel, Tracy, Rivière-du-Loup et Saint-Georges, 1100 spectateurs, c'est la moyenne. Et la bonne nouvelle, les 1200 à Trois-Rivières, c'est le double de l'an passé. Est-ce que c'est un match? Est-ce que c'est l'effet Mirasty? Je peux te dire que lui, c'est le prix citron, puis il a fait chou blanc, parce que dès le match de jeudi dernier à Sorel-Tracy, à 32 secondes, Lacroix lui a demandé le combat. L'autre était tout feu, tout flamme, a été renversé d'une droite par Lacroix. Il a eu l'air fou. Ça a donné le momentum à Sorel. 3-0 par la suite, ils ont gagné 6-1. Le lendemain, Lacroix l'aurait invité en début de match à la demande des fans, des spectateurs, les 1200 dans le Colisée de Trois-Rivières. Il a refusé l'invitation tellement qu'au bout de 10 secondes, Lacroix a dit « Ben, bye-bye, je m'en retourne au banc des punitions. » Et on n'a presque pas vu Mirasty jusqu'à ce qu'il revienne en deuxième et aille prendre un coup sur Lacroix assis au banc. Je t'ai-tu demandé par Lacroix, il l'a-tu provoqué, l'autre est-tu allé pour son plaisir? Les deux ont été chassés, et Mirasty a même eu un match de suspension. Son entrée dans la Ligue nord-américaine, là, ça n'a pas été glorieux pour le prix qu'il coûte, et j'espère que ce sera mieux à son prochain séjour chez nous, au Québec. Ouais. Ça me fait tellement rire, cette affaire, Gilles. C'est parce qu'on a eu un débat, parce qu'on a une ligue régionale ici, puis dès qu'on parle de Ligue senior, j'en parlais justement avec un coach ici, tu sais, la Ligue senior du Saint-Lexionnel, tu as entendu parler, c'est une ligue régionale, là, puis... Oui. C'est pas long tu n'entends pas parler à Mauricie aussi, c'est les seniors. C'est pas long quand tu parles de mots seniors, c'est bagarre, puis ils ont une mauvaise réputation. C'est un mythe, là. Puis, mais moi, ce que j'ai pour m'en dire, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Là. Ils veulent pas les bagarres, mais c'est les premiers à applaudir quand ils se posent de quoi. Il faut dire une chose. Ouais. Sur les 1200 qu'il y avait à Trois-Rivières, mettons un 400, le tiers, voulait voir Mirasty et Lacroix, voulait voir Coudé et La Rivière. Ces deux-là en ont donné deux autres combats, qu'ils en avaient donné deux à Sorel également. Ils ont livré la marchandise. Coudé, qui est un excellent boxeur, qui peut aller de la gauche ou de la droite. La Rivière, qui est un vieux guerrier dans ce pays-là. Ces deux gars-là, tout comme l'autre, Lacroix, ont pas le nom, la prestance ou la réputation d'un Mirasty. Sauf que Mirasty vit en ce moment sur son passé. Et à 35 ans, je sais qu'il peut livrer la marchandise, il peut jouer sur un trio, un troisième ou un quatrième, il peut même marquer des buts, il a eu deux chances d'en marquer d'ailleurs dans les deux matchs. Sauf qu'on veut le voir pourquoi, se battre. Mais là, le problème, Danny, qui veut l'affronter? Ouais. J'en connais pas à Saguenay prêt à vouloir l'affronter. J'en connais pas non plus du côté de Saint-Georges. Peut-être Thetford, à part ça, je me pose de sérieuses questions. Est-ce qu'il a encore sa place pour la bagarre? Est-ce qu'on pense qu'il peut attirer 300-400 spectateurs? Ça peut être vrai à Trois-Rivières, mais ça n'a pas eu l'effet escompté à Sorel parce qu'il n'a pas attiré 10 spectateurs à Sorel lors du match d'ouverture. Quand tu joues avec une assistance de 1158 et que ta moyenne depuis deux ans est de 11,77, tu n'as pas attiré grand monde, là. Surplus parce que c'est Mirasty. Ouais. Donc, moi, je me dis, on peut-tu parler du beau hockey qui se joue dans cette ligue? Les Marquis ont gagné le championnat de saison et de série l'an passé. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué du jeu inspiré, parce qu'il y avait des Carpentiers, des Colnick, des Desjardins, des Jean-Michel Bolduc, nomme-moi-les, du beau hockey de finesse, du hockey comme on l'aime, du hockey qui peut faire vendre et aller chercher au commissaire Richard Martel des commanditaires, parce que tu peux pas approcher un commanditaire si tu as vaudeville comme tu as eu il y a à peu près trois semaines en match hors concours à Trois-Rivières avec un dénommé Bolduc avant un match. C'est pas ça qui va te faire vendre et amener des commanditaires à cette ligue et la garder en santé et la garder pour plusieurs années. On est venu bien près de plus de n'avoir. S'il n'y avait pas eu de sixième club, là, si Trois-Rivières n'avait pas été là à cause d'Étienne Boileau, ben, il n'y aurait peut-être même plus de ligue, qu'on ne se parlerait pas tous les deux. Oui, effectivement. Gilles Péloquin, Monsieur Ligue nord-américaine, on se reparle le mardi ou mercredi prochain. Ben, bonne semaine. Bon match en fin de semaine, il y en aura des bons. Oui, la voix de la Ligue nord-américaine de hockey, Gilles Péloquin.